Le président laotien Bunyang Volachit, secrétaire général du comité central du Parti populaire révolutionnaire Lao, a fait parvenir un message de réponse au maréchal Kim Jong-un. Le destinataire lui a exprimé sa vive reconnaissance pour avoir formulé les meilleures félicitations et vœux à l'occasion du 41e anniversaire de la fondation de la République démocratique populaire du Laos. Il s'est montré convaincu que malgré la situation mondiale compliquée, l'amitié traditionnelle et les bonnes relations de coopération entre le Laos et la Corée se développeront sans cesse conformément à l'aspiration des peuples bilatéraux pour faire du bien réel aux peuples des deux pays et contribuer à la paix et aux rapports d'amitié et de coopération des régions et du monde. Finalement, il lui a souhaité santé et bonheur, de plus grands succès dans son noble travail et formulé son hommage sublime.